Et sinon, tu peux m'aider sur le théorème de Pythagore ? Je pige rien. Bon, t'as un triangle rectangle. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux côtés de l'angle droit. Hein ? Retiens juste que tout doit être carré dans tes triangles. C'est possible, ça ? Un bon pote, c'est bien. Un bon prof, c'est mieux. Pour progresser pendant les vacances, Acadomia propose des stages intensifs, en centre ou en ligne. Renseignez-vous auprès de votre centre Acadomia ou sur acadomia.fr. Acadomia, ils ont tout pour réussir. Si l'injonction à réussir est insupportable, l'injonction à rebondir après des échecs l'est peut-être encore plus. Et si je ne parvenais pas à m'en remettre ? Et si je n'en faisais rien ? Et si je ratais même mes échecs ? Heureusement, d'autres l'ont fait pour nous et nous pouvons compter sur un philosophe qui, en 13 livres, a exploré, traqué, raconté ses égarements, ses fautes et ses vols de poire et a ainsi élevé ses aveux au rang de genre littéraire. Aujourd'hui, Saint Augustin face à cette pute d'âme humaine. Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand. Non. Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand. Vous êtes fou, c'est pas moi, j'ai pas volé l'orange, j'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Ça ne peut être que toi, tu es méchant, il est. Il y avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait. Non, non, non, non. Mais c'est bien toi qui l'as volé avec tes mains crochues. C'est fou. Oui, c'est bien toi qui l'a volé, pour quelqu'un qui t'a vu. Bonjour Frédéric Boyer. Bonjour. Vous êtes écrivain et éditeur, vous avez traduit et préfacé les aveux de Saint Augustin pour les éditions POL. Les 13 livres étaient connus sous le titre des Confessions, mais vous avez préféré les aveux, pourquoi ? D'abord parce que le mot confessio en latin signifie d'abord avouer publiquement, dire publiquement, et que c'est d'abord... Ça appartient d'abord à la langue juridique. Hein, quand vous tombez sur confiteor dans Cicéron, vous traduisez pas par j'avoue, vous traduisez pas par je confesse, vous traduisez par j'avoue que confesser, c'est une translittération française du mot latin qui va être attestée beaucoup plus tardivement. Et l'idée, est, si vous voulez, quand on traduit un texte comme ça, donc c'est un texte de la fin du IVe siècle. Le monde romain est en train de se christianiser, mais la réception chrétienne de ce monde n'est pas encore faite, et la langue chrétienne, Augustin est en train de la faire, en quelque sorte de la fabriquer. Mais le par exemple, le sacrement de la confession, ça date du XIIe siècle, donc on n'est pas encore là-dedans, on est au début de quelque chose, justement d'une langue qui est en train de s'inventer. Et en écrivant ces 13 livres, Augustin faisait un geste très fort, même linguistiquement, enfin même dans la langue même, puisque appeler cette espèce de parcours de sa autobiographique, enfin c'est peut-être pas tout à fait de l'autobiographie, mais pas. Alors c'est vrai qu'il dit je tout le temps. Oui, il dit je tout le temps, et appeler ça mes aveux, effectivement, puisque il s'engage dans quelque chose qui est radical, où il dit voilà, je vais tout dire de moi, je vais tout dire de ce que j'ai pu faire, de mes fautes, de mes échecs, et c'est un langage juridique, c'est un langage juridique public, c'est-à-dire je le fais à tous, je rends public ce que j'ai pu faire de mal et ce que j'ai pu mes erreurs, etc., mes crimes. Donc on est vraiment, si vous voyez, l'idée là de la traduction, c'est de redonner au mot toute sa force et son impact, en quelque sorte l'impact que ça a eu à l'époque d'ailleurs, hein, ça a été une espèce de déballage qui a été, oui, c'est assez vrai, comment ça a été reçu? On sait que ça a été très populaire très vite, d'abord parce que, bon, à l'époque, c'était... C'est quand même 13 livres. C'est 13 livres, et à l'époque, il faut bien se dire, c'est des lectures publiques, hein, c'est-à-dire que les gens n'allaient pas acheter des livres... Dans leur petite librairie de quartier. Dans leur petit quartier à Carthage, pour les livres. Donc c'était des lectures publiques, Et ça prenait tout de suite quelque chose effectivement de théâtral, hein, voilà. Et bien sûr que ça a été un choc puisque on connaît pas dans la littérature antique d'exemple aussi radical d'un jeu qui se met à s'exprimer, qui se met en scène et surtout qui raconte un cheminement et une sorte de oui d'itinéraire, voilà. Ça on parlait souvent à la première personne et on écrivait à la première personne dans l'Antiquité des correspondances ou sous le mode de l'orateur, c'est-à-dire l'orateur qui se met en scène dans son propre discours, mais là on est vraiment au-delà, voilà, et il invente un discours qui va être dans toute la littérature occidentale quelque chose de très important, c'est-à-dire la littérature du moi, voilà. Avec ce que cette littérature peut avoir de fiction, bien sûr, hein. Oui, de mise en scène, et quel est ce jeu qui parle, et quel est le moi qu'on met en scène, mais on sent quand même dans les aveux, pardonnez-moi Frédéric Boyer si parfois je dis encore les confessions, parce que j'ai toujours appris non, mais à on dire peut, mais on les peut, confessions, c'est bien. On peut dire aussi qu'il a fait inventer une littérature de l'échec. Alors, en tout cas, ça commence comme ça, et au moins pendant les 10 livres, il y a 13 livres, donc pendant les 10 premiers livres, c'est... Donc les deux tiers. C'est l'engagement qu'il prend devant son témoin suprême, c'est-à-dire devant Dieu lui-même. Il dit voilà, je vais tout dire de ce que j'ai pu faire, de mes erreurs et de mes défaites d'une certaine façon, puisqu'en latin il n'y a pas vraiment de mot pour échec au sens strict comme en oui, français, mais oui, d'ailleurs le mot échec, en fait on peut y mettre énormément de choses, mais c'est plutôt là ça serait le participe latin defectum, donc c'est effectivement mes erreurs et mes défaites, enfin et j'insiste, hein, c'est quand même quelque chose de c'est quelque chose de radical et de neuf à cette époque, hein, de mettre en scène en quelque sorte, et surtout dans la culture romaine qui n'est pas du tout une culture de l'échec, en tout cas on ne cultive pas pour soi l'échec. Et d'ailleurs par rapport au mot confessio, un grand rhéteur latin du deuxième siècle ou du troisième siècle, pardon, je ne sais plus, mais enfin c'est dans ces eaux-là, le pseudo Quintilien, hein, dénoncer de faiblesse tous ceux qui pratiquaient justement l'aveu, la confession. Et en fait, celui qui pratiquait la confession, il était déjà coupable. Enfin, on n'avait même pas besoin de chercher les preuves. C'est-à-dire, c'était un aveu d'échec de soi, justement. Donc, il faut bien comprendre que dans la culture romaine, même dans la culture de l'Antiquité en général, il y a quelque chose d'ambigu, tout d'un coup, à se présenter comme ça devant les autres et dire, voilà, moi, je vais parler de mes échecs ou de mes défaites ou de mes erreurs. Voilà. Quelle était l'intention de Saint Augustin, justement, en présentant ses échecs et en se mettant lui-même publiquement en échec? Est-ce qu'il cherchait, justement, à être dans une totale transparence, à rompre avec une tradition un peu de l'héroïsme ou de la noblesse? Est-ce qu'il voulait montrer un parcours? Parce qu'on a d'autres textes, j'imagine, qui sont à la première personne, qui sont de l'ordre du parcours, de l'itinéraire. Mais là, est-ce qu'il cherchait à montrer une forme d'élévation? Alors, il y a plusieurs choses, mais la question est intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, je pense, c'est l'idée de raconter, de faire le récit d'une itinérance. Voilà. C'est-à-dire si vous avez tout réussi, il y a rien à raconter. Il y a plus rien à raconter. Donc non, mais ça, c'est bête, mais je pense que c'est une idée géniale. Il faut qu'il raconte comment on devient chrétien, parce que on ne naît pas chrétien là, à cette époque-là, en tout cas. Voilà, on n'est qu'au début de tout ça. Donc il faut raconter comment on devient ce que lui est devenu. Voilà. Et donc pour raconter ça, il faut bien raconter à un moment donné que vous n'étiez pas ce que vous êtes devenu, et comment vous n'étiez pas, pourquoi vous ne l'étiez pas, et qu'est-ce qui se passait quand vous ne l'étiez pas. Et donc il va raconter que le chemin vers l'amour de Dieu, en quelque sorte, vers la foi ou vers la vérité, comme vous voudrez, vers la vérité chrétienne, il va la raconter comme une itinérance avec des étapes. Et effectivement, donc il raconte les difficultés, les erreurs, les détournements et les épreuves, finalement, hein, puisque l'idée c'est de faire, quand on raconte cette itinérance, c'est de faire de chaque erreur une épreuve, de chaque échec une épreuve, voilà, et que on puisse apprendre, effectivement, comme on dit, ce que la sagesse populaire a retenu, que l'on puisse apprendre de ces échecs, apprendre de ces erreurs. Le vol est bien puni par ta loi, Seigneur, mais aussi par la loi écrite dans le cœur de l'homme. Et être injuste soi-même ne suffit pas à l'effacer. Quel voleur, en effet, supporte sans broncher d'être volé à son tour? Pas même s'il est richissime et l'autre acculé à la plus grande misère. Eh bien, moi, j'ai voulu faire un vol sans y être acculé par la nécessité, mais par absence et dégoût du sentiment de justice et par excès d'injustice. J'ai même volé ce que j'avais déjà en abondance et de bien meilleur. Je ne voulais pas jouir de ce que je désirais par le vol, mais du vol lui-même, de la faute. Près de notre vigne, il y avait un poirier chargé de fruits, ni très beau, ni très savoureux. Jeunes voyous, nous nous sommes enfoncés dans la nuit pour secouer l'arbre et faire tomber les fruits. Selon notre habitude malsaine, nous avions prolongé tard dans la nuit nos jeux sur les places. Nous avons emporté un énorme fardeau de fruits. Ce n'était pas pour nous régaler, mais pour aller les jeter aux cochons. Nous en avons bien goûté quelques-uns, mais ce que nous avons trouvé de meilleur, c'est la transgression de l'interdit. C'était donc un extrait des aveux de Saint-Augustin, le deuxième livre, le paragraphe 9 dans votre traduction, Frédéric Boyer. Ce texte est intéressant parce que, bon déjà, il est assez connu en fait hein, dans les aveux, c'est le vol de poire. Et en fait, quand on l'écoute, ce texte, le fait de voler en fait des poires semble à peu près anodin. Mais à côté de ce qu'en dit Saint-Augustin, cela prend une ampleur telle qu'on voit bien en fait que ce qui est en jeu, c'est plus la culpabilité que le problème du vol, le problème d'être si attaché à la transgression plutôt qu'à la légalité. Oui, c'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est effectivement un vol de poire. Je suis sûr que vous avez volé des cerises dans le champ de votre voisin. Enfin, on a tous fait ça. C'est pas, ça a rien de, même à l'époque, ça avait rien de, même je pense à l'époque, en plus, ça devait être encore plus libre, en fait. C'est pas, donc, ça n'a rien de répréhensible et de si catastrophique. Enfin, parce que là. Ça fait même plutôt partie de l'apprentissage par rapport à la loi. Exactement. Et là, quand on l'entend, on a l'impression qu'il a commis un crime abominable. Bon. Mais, ça fait partie de cette littérature-là, effectivement d'abord, hein, c'est-à-dire que et on voit que le sujet, effectivement, c'est pas tellement, comme il le dit très bien, l'objet du vol, c'est-à-dire voler des fruits dans un champ, mais l'acte même de transgresser. Et tous ces premiers livres, en tout cas, au moins les six premiers livres, avant le début d'un chemin vraiment de conversion, effectivement, il va essayer de raconter comment l'âme humaine, en quelque sorte, la sienne, et l'âme humaine en général, voilà, est fascinée par la contradiction, quoi, est fasciné par ce qui vous fait transgresser, ce qui vous fait errer, ce qui vous fait échouer en quelque sorte, mais l'échec ou la défaite ou le mal finalement, parce que le mal est vraiment compris ici comme une défaite, hein, comme un échec, eh bien cette défaite devient la gloire de celui qui se fait pécheur, voilà. Alors là, on entre un peu dans les premiers éléments de sa théologie, qui va être les fondements de la théologie occidentale. Hein, mais le mal est une défaite, voilà. Et il faut raconter le mal comme défaite. Voilà. Et c'est ça qui permet justement d'en sortir. Ça veut dire qu'en fait, un échec dans la théologie chrétienne telle qu'elle est esquissée ici par Saint-Augustin, ça veut dire qu'un échec n'est jamais qu'un échec. C'est-à-dire, ça n'est jamais qu'un moment d'errance. Il faut toujours, en fait, en faire un moment de transformation. Il faut toujours, en fait, en faire une étape, une épreuve, justement, comme vous disiez. Oui, mais c'est pas si facile que ça. Bah oui, il y a 13 livres pour, voilà. Non, pour transformer ces échecs. Alors, comment dire, même pas les transformer, mais en faire des épreuves, c'est-à-dire des occasions de transformation. Non, ce qui me touche beaucoup dans ce livre, parce que c'est un très grand livre de littérature, c'est que justement, c'est l'acte littéraire de ce récit, et on l'a très bien entendu avec le vol de poire. C'est pour ça, c'est complètement anodin, ça, mais c'est dans le récit, c'est dans la façon dont on va s'emparer de ce même pas fait divers pour le transformer en quelque sorte en récit de conscience de la faute, en quelque sorte. Parce que ce qu'on entend là, ce qu'on ce qu'on a entendu, c'est que le narrateur qui raconte ce vol, probablement imaginaire, enfin probablement en tout cas imaginaire tel qu'il raconte. Ce qui est important, c'est pas les faits eux-mêmes, c'est la façon dont il assume ce crime bénin comme échec théologiquement dramatique. Enfin voilà, il fait de son petit échec de rien du tout, de sa petite faute de rien du tout, il en fait un drame. Voilà. Et ça, c'est littéraire d'abord. Alors après, on peut, si on est croyant, on va. Mais ce qui est beau dans ce livre-là, c'est de faire comme ça de l'interrogation que l'on peut avoir sur soi-même, sur ce qu'on réussit ou pas dans sa vie, sur ce qu'il faut faire pour réussir ou pas. Parce que ça, on va en parler. Parce que toute l'œuvre est aussi téléguidée par cette idée qu'il fallait réussir quelque chose. En fait, c'est de raconter ça comme un immense drame. Et ce drame a des étapes et il aura un dénouement, mais il y a quand même un gros suspense quand même. Hein, dans, comment va-t-il s'en sortir ? Oui, parce qu'on le sait évidemment, parce que c'est une œuvre ultra connue, donc on sait que, enfin, il s'en sort bien, en tout cas qu'il va réussir sa conversion, etc. Mais je pense que le livre ne raconte pas qu'il s'en sort bien d'ailleurs. Mais en fait, dans le livre, il y a une espèce de quête quand même, hein, et qui reste. Une quête qui reste quand même assez énigmatique parce que, à la fois philosophiquement, spirituellement et théologiquement, effectivement, il raconte qu'il a atteint quelque chose de l'ordre de cette vérité, mais cette vérité, elle est insaisissable. Hein. En fait, il ne la détient pas. Les confessions laissent quelque chose, une espèce de en suspens. En fait, c'est celui qui a le pèlerin comme ça, qui a échoué dans sa vie et qui d'épreuve en épreuve a tenté de rejoindre quelque chose. Mais c'est une sorte aussi de voyage immobile et il reste en suspens. Dans la certitude d'un amour qui lui est supérieur, mais quelle preuve vous avez de cet amour ? Voilà, c'est très. Je dis ça pour pas en faire un livre de catéchisme. Hein. C'est un livre d'une profondeur extrêmement étrange puisque la pliure du livre aussi, c'est la mort de la mère. Parce qu'on peut dire plein de choses. Hein. Donc sa mère Monique, à laquelle il était très attaché, voilà. Qui est morte en 388, c'est voilà, ça ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire quelques mois avant, enfin, il venait de se faire baptiser déjà. En trois mots, voilà, Saint Augustin, Augustin donc né en 354 à la frontière aujourd'hui tunisienne-algérienne, hein, à Tagaste, à Soukaraste. Aujourd'hui c'est Soukaraste, donc mais c'était Tagaste. À l'époque, donc c'est en Algérie, mais c'est à la frontière tunisienne aujourd'hui. C'est un petit village, une petite bourgade paysanne, rurale, et il est d'une famille mixte, hein, c'est-à-dire le père Patricius est romanisé, probablement. Un nord-africain, mais romanisé, donc qui appartient à la culture gréco-romaine, qui appartient et qui probablement devait officier, devait avoir une charge de fonctionnaire entre guillemets de l'époque, et il était propriétaire terrien aussi, et sa mère Monica, elle qui était aussi nord-africaine, mais convertie au christianisme, ce qui n'était pas le cas de son père. Voilà. Donc il naît dans cette famille-là. Et comme toute bonne famille romanisée, enfin assimilée, intégrée à l'Empire, on veut effectivement pour ses enfants que ses enfants suivent le cursus le plus prestigieux dans l'Empire, donc c'est les écoles de rhétorique. Donc il va suivre tous les centres en Afrique du Nord, Madore, et puis après Carthage, et puis après bah il faut aller à Rome et à Milan, voilà. Et c'est le trajet que va faire Augustin et qu'il raconte dans ses confessions. Et sa mère qui était vraiment insupportable hein, dans le livre, et qui ne le lâche pas, qui veut et qui le fait même rompre, voilà, avec son, alors, son sa compagne, avec sa compagne, la de mère l'époque, de son enfant, voilà. La mère de l'unique enfant qu'il a eu, Adéoda, dans des conditions, et tout ça est raconté dans des conditions atroces, hein, puisque il dit c'est un arrachement, c'est comme si on m'avait arraché le cœur et les côtes, hein, quand il a dû se séparer d'elle. Et entre parenthèses, lui garde l'enfant et la pauvre femme repart en Afrique du Nord, et en lui, bon, je sais pas ce qu'elle devient, voilà, c'était oui. Donc c'est, et il raconte tout ça, et sa mère le suit, et Il réussit, il devient un professeur de rhétorique important, à la fois au Forum à Rome, à la fois à Milan, et bon, il se convertit, il rencontre Saint Ambroise de Milan, enfin Ambroise de Milan, qui n'était pas encore saint à l'époque, qui était le personnage probablement le plus important du christianisme à l'époque dans l'Empire, et ils se reconnaissent tous les deux. Ambroise de Milan probablement voit en lui, décèle en lui quelque chose de supérieur, et donc il a réussi, voilà, il a réussi tout ce parcours sur lequel on pourra revenir, parce qu'il y a plein de, il y a plein d'histoires terribles dans ce parcours. Et il décide, et c'est là où je voulais revenir, et à ce moment-là, il est au sommet d'une réussite et d'une conversion, puisqu'il devient chrétien, et enfin il reconnaît la valeur de cette religion-là, de cette nouvelle religion-là. Et là, il décide de retourner en Afrique du Nord, il décide de retourner à Carthage, et après à Hippone, qui est aujourd'hui à Naba, en Algérie. Mais pourquoi retourne-t-il là-bas, alors qu'il est arrivé au centre de l'Empire, qu'il a réussi son chemin de conversion, qu'il est reconnu? C'est un mystère. Hein. Et ça vous fascine, cette question de savoir pourquoi il est revenu? C'est-à-dire, on s'interroge jamais là-dessus. Donc c'est ce mouvement. Alors c'est pas un mouvement d'échec, mais en même temps, c'est comme si quelque chose. C'est comme si on revenait chez ses parents. Exactement. Il y a quelque chose de régressif. Et... Alors sur sa terre natale aussi. Hein, ouais. Donc il y a quelque chose de très beau. Il faut jamais oublier que voilà, c'était un jeune Nord-Africain entre guillemets assimilé, mais qui finalement a préféré revenir sur sa terre natale. Terre natale qui était déjà bien secouée par les premières invasions barbares, notamment celle des Vandales, et par une église chrétienne naissante qui était complètement déchirée, entre les donatistes et d'autres sectes, enfin d'autres mouvements chrétiens. Et donc il arrive là-bas, très mal reçu, puisqu'il est considéré comme quelqu'un, un peu un traître, qui est parti, qui est revenu, qui a pendant 10 ans été chez les Manichéens, qui était une secte très puissante, une secte issue de Perse, très très très puissante, et beaucoup de gens dans la jeune église chrétienne lui reprochaient d'avoir été pendant 10 ans Manichéen. Il retourne là-bas, au milieu des épreuves, voilà. Il aurait pu rester auprès d'Ambroise de Milan, à Milan, qui était le grand centre de la culture chrétienne à l'époque. Et il va dans le combat là-bas. Et c'est ça qui est important aussi, c'est, puisqu'on parle d'échec, c'est toute sa vie, Augustin a mis l'erreur au cœur et l'échec en quelque sorte au cœur de son combat, voilà. Ou est-ce qu'il s'est mis en échec lui-même? Il s'est mis d'une certaine façon en échec lui-même, mais il va faire de l'échec et de l'erreur le sujet de son combat. Il va être obsédé par les disputes des hérésies. Hein. Et c'est c'est l'auteur chrétien qui a le plus écrit contre. Il a écrit pour, mais il a surtout écrit contre. Mais tout à l'heure, Frédéric Boyer, vous nous avez dit que autant les échecs étaient très identifiables chez Saint Augustin. D'ailleurs, en fait, on nie que des échecs. Et la manière dont vous en parlez, c'est effectivement une perpétuelle mise en échec d'un récit qui serait censé le valoriser et qu'il ne valorise pas du tout. Mise en échec en retournant sur une terre natale qui peut être un lieu d'épreuve. Échec de sa relation avec sa compagne, se laisser envahir par sa mère. Finalement, cette mise en échec est très identifiable, alors qu'effectivement, effectivement, le but de cette mise en échec est presque lui-même mis en échec. Pourquoi fait-il tout ça? Puisque finalement, ça n'est pas non plus qu'un récit de rédemption. C'est-à-dire qu'il remercie Dieu, mais finalement, on ne sait pas ce qu'il a trouvé. On ne sait même pas d'ailleurs s'il l'a trouvé. Ouais, on rentre dans le dur, là, effectivement. Il est 10h23. Il va... Hein. Il va raconter que il a atteint la certitude, puisque c'est ça, il a atteint la certitude de savoir quelle est la seule joie nécessaire et la seule joie à vivre, qui est celle de cet amour avec ce Dieu avec lequel il parle directement. Ça aussi, c'est un peu une nouveauté, hein. Le début des confessions, le début des aveux, c'est une adresse directe à la deuxième personne, hein, à Dieu lui-même, hein. Donc c'est comme un texte de prière, effectivement, mais c'est aussi très très spectaculaire, hein. Donc et c'est cette confidence là, c'est cette complicité là qu'il a atteint, hein, mais finalement il l'atteint comme ça dans la langue, mais il est bien incapable de nous expliquer en quoi finalement cette joie-là et cette félicité-là consistent quand même. Hein. Quand vous parlez d'échec, c'est-à-dire que ce qui est admirable et remarquable dans ce livre, c'est qu'effectivement il va raconter toute sa progression là que j'ai résumé de façon très caricaturale, mais toute sa progression qui est une progression exemplaire dans l'empire d'un jeune homme qui réussit, qui part, qui a connu tous les plus grands centres universitaires de l'empire et il va raconter ça comme effectivement une série d'échecs. Voilà, il va dire finalement, je me retrouve à Carthage et il devient un étudiant brillant et un professeur brillant ça va pas. Voilà, c'est pour lui c'est un échec. Et donc il a une vie qui était la vie des jeunes citoyens romains un peu aisés, étudiants et qui faisaient qu'on a pu voilà une vie de plaisir, de tentation, mais aussi d'excitation intellectuelle aussi. Et il raconte ça comme quelque chose d'abominable, comme quelque chose mais d'horrible, de prostitution généralisée. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez traduit pute d'âme humaine. Hein. Ce titre qu'on donne, ça vient vraiment de lui, c'est-à-dire qu'il y a le terme de prostituée. C'est le terme de prostituée qu'on a souvent traduit par séductrice dans les traductions précédentes. Mais effectivement, l'âme se prostitue au monde. Hein. Donc c'est ce qu'il va raconter. Voilà, donc c'est cette pensée comme ça de l'erreur, mais on est au cœur d'une théologie qui est en train de se mettre en place, hein, qui fait de l'homme pécheur celui effectivement qui se trompe, hein, en sachant que c'est l'étymologie même du mot péché, hein, une étymologie hébraïque khatav qui veut dire manquer sa cible, se tromper de chemin, et l'amartia grecque aussi, hein, c'est étymologiquement c'est la faute grecque, c'est celui qui se trompe, celui qui tire à l'arc et qui rate sa cible, ou celui qui se trompe de chemin, voilà. Et c'est ça que raconte Augustin, voilà. C'est que la condition humaine, c'est de se tromper de chemin, voilà. Et si vous vous trompez pas de chemin, eh ben, vous ne trouverez pas le bon chemin. Voilà. Vous êtes peut-être encore plus raté, finalement. Exactement, oui. Si je fais l'effort de me rappeler les horreurs par lesquelles je suis passé et la corruption physique de mon âme, ce n'est pas parce que je les aime, mais parce que je t'aime, mon Dieu. Je le fais par amour de ton amour. Je repasse par mes chemins dissolus, par leurs souvenirs acides. Et tu m'adoucis, douceur qui ne trompe pas. Douceur heureuse et sûre, qui me recueille de la dispersion où je tombais en lambeaux, quand, à l'écart de toi, l'un, je m'évanouissais dans le multiple. Oui, j'ai brûlé un temps dans l'adolescence d'assouvissements abjects, scabreuse exubérance de sombres amours changeants. Ma beauté s'est desséchée, j'ai pourri sous tes yeux. Je me plaisais en cherchant à plaire aux yeux des hommes. Mon plaisir, aimer et être aimé. J'étais incapable d'un échange d'âme à âme. Cette voix lumineuse couvre l'amitié. La boue de la concupiscence charnelle, sous l'effet de l'éclosion de la puberté, dégageait des vapeurs qui ont recouvert mon cœur de nuages et l'ont obscurci. Au point que je n'ai plus fait la différence entre une affection raisonnable et une sombre débauche. L'une et l'autre confondues, comme dans les remous d'un torrent, une envie brutale s'emparait de ma faible jeunesse qui plongeait et replongeait dans l'abîme de l'abjection. Ta colère pesait sur moi, et je ne le savais pas. J'étais assourdi par le bruit strident des chaînes de ma mortalité. Mon orgueil m'avait puni. Je m'éloignais encore davantage de toi, et tu laissais faire. J'étais ballotté et dispersé, liquéfié, échauffé par le sexe. C'était un extrait des Aveux de Saint-Augustin, toujours le deuxième livre, premier paragraphe dans votre traduction, Frédéric Boyer. Alors quand on entend ce texte qui est magnifique, qui est même, cette langue est même assez surprenante, c'est-à-dire qu'on a presque l'impression d'avoir une langue érotique, une langue presque un peu pourrie, pour reprendre ces termes, presque abjecte. On voit bien là qu'il y a aussi un langage pour décrire l'erreur. Il faut presque en faire des tonnes, pardon pour l'expression, mais il faut presque en rajouter dans l'abjection. Ouais, alors d'abord, c'est un rhéteur, hein, parce qu'on a, souvent eu l'image de lui comme un saint canonisé immédiatement, ce qui n'était pas du tout. Oui, il a été canonisé en 1298. Oui. Mais c'est d'abord, comme je l'ai dit, quelqu'un qui s'est formé aux écoles de rhétorique de l'Empire, aux écoles rhétoriques gréco-romaines, et c'était des écoles extrêmement puissantes où on apprenait la force du verbe, la force de la parole, où on apprenait la littérature antique. À l'époque, elle n'était pas antique. Voilà, il connaissait très bien Virgile, il avait lu les traductions d'Homère, il avait lu toute la littérature latine de son époque, qu'il cite d'ailleurs de temps en temps dans les confessions. Et ce qu'on entend là, effectivement, c'est littérairement une espèce de puissance pour dénoncer la concupiscence, la faute du désir, et donc effectivement pour transformer, pour faire entendre l'erreur et la catastrophe que peuvent être parfois la condition humaine. Hein, c'est Mais alors, est-ce que c'est pour convaincre ses auditeurs de la faute, de l'importance des fautes, ou est-ce qu'en fait il le vit comme ça, ou alors encore autre possibilité, est-ce qu'il est dans un souci de transparence, c'est-à-dire qu'on a du mal à voir la littérature chrétienne associée avec une forme de boursouflure ou d'emphase ou de dramatisation. On pourrait être assez transparent avec ses fautes, dire voilà, j'ai fauté, j'ai péché, pour moi c'était un drame tel, et j'ai essayé de me transformer. Mais là en fait, qu'est-ce qu'il cherche à faire, parce qu'il il s'auto-dramatise, ou il veut dramatiser le sujet pour convaincre? Bon, ça, c'est un peu tout ça, mais d'abord, il essaye de brosser un tableau abominable qui va s'imprimer dans les esprits de ses auditeurs. Il faut toujours penser que c'est de la littérature orale, voilà, qu'on est. De la littérature orale, c'est on écrivait pour être entendu, voilà. Et donc là, c'était très bien lu. On a bien entendu quelque chose d'abominable, et il y va avec force, hein, voilà. Donc c'était pour dresser un tableau de quelque chose et qu'on en soit tous saisis, quand même. C'est régulièrement ça. Après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si le rôle, en quelque sorte, là, de l'auteur chrétien, c'est de dramatiser, c'est de dramatiser ce qu'on vit, enfin, ce qu'on est censé vivre si on est sur ce chemin de conversion, voilà. Donc il n'y a pas de travestissement, il y a une forme de sincérité. Bah, alors il y a un travestissement qui est celui de l'art littéraire, là, effectivement. C'est là où c'est magnifique, c'est-à-dire que volontairement ou involontairement, il se laisse emporter par sa propre habileté, mais après, je dirais pas transparence. Mais je dirais qu'il met en scène quelque chose qui est de l'ordre de la sincérité, mais il le met en scène, voilà. C'est ce qu'il est sincère. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il est en train de raconter comment il est en train de raconter sa vie comme un chemin avec des étapes, et chaque étape doit être comme un tableau stupéfiant. Vous savez, ça fait penser à la littérature chrétienne qui suivra et qui lui devra beaucoup, et notamment là, relisez l'Enfer de Dante, les chants où on décrit comme ça les pécheurs et ça. Alors chez Dante, il y a encore plus de grotesque et de violence parfois, mais là, on entend ça. On entend. Ça annonce déjà. Ça annonce déjà les grandes descriptions poético-lyriques de l'enfer chez Dante. Et d'ailleurs, quand je dis que Dante, il y a plus de grotesque que chez Saint-Augustin, je pense que c'est à moitié vrai, parce qu'on lit trop Saint-Augustin comme une espèce d'auteur, effectivement, sacerdotal, si vous voulez. Mais il y a du grotesque, là, beaucoup, beaucoup. Hein. Quand il va dénoncer les manichéens, avec qui il a passé 10 ans, c'est cette secte qui était extrêmement importante, qui va lui donner d'ailleurs les clés du pouvoir universitaire. Hein. C'est grâce à eux qu'il va apprendre, qu'il va intégrer les grands centres universitaires, notamment à Rome. Il passe 10 ans avec eux, et dans les confessions, en quelques pages, il les ridiculise d'une façon, alors là, pour le coup, vraiment grotesque, hein, puisqu'il dit... Même leur paix était des prières, hein, donc on est dans le truc ça. Et il va écrire 30 livres contre Faustus, alors 30 petits livres, enfin quand même, 30 livres contre Faustus, qui était le grand évêque manichéen de l'époque. Donc de cette secte manichéens. Donc, c'est-à-dire, il écrit ses confessions et derrière, il écrit 30 livres contre Faustus. Bon, ce qui est une énorme dénégation quand même aussi, c'est-à-dire, et là, puisqu'on parle d'échec, il y a ça dans cette emphase, dans cette dramatisation, voire cette enflure grotesque qu'il y a dans le texte parfois des confessions. Il y a cette dénégation par rapport à l'échec, c'est-à-dire que pour écrire 30 livres contre Faustus, pour les ridiculiser à ce point après avoir passé une dizaine d'années avec eux, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait réglé quand même. Oui, ça se rapproche du règlement de compte. Ce qui est intéressant là dans le texte qu'on a entendu, interprété par Bernard Gabé, c'est cette idée aussi du multiple et de l'un. Alors on sent quand même l'influence de Plotin, qu'il a lu, du néo-platonisme. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit bien que l'échec est quelque chose qui n'est pas que quelque chose qui nous désigne comme manquant ou défaillant, mais comme quelque chose de dispersé, en fait, qui n'est pas unifié. Est-ce que le fait de dire ces échecs et de le dire de cette façon, c'est une manière justement de se réapproprier, mais de se réunifier, en fait, sous un langage et peut-être de parvenir à dire, d'atteindre le soi, le moi, le je? Ah bah tout à fait. En tout cas, c'est vraiment exactement comme ça que le qu'en quelque sorte la si on peut parler comme ça, la poétique de l'énonciation de ces 13 livres est engagée là, comme ça. C'est-à-dire que le fait de prendre la parole et de dire moi je, et de dire moi je sous, en quelque sorte, sous l'ombre de la divinité, hein. Et Augustin qualifie cette langue, hein. Il dit sermo humilis, c'est-à-dire le discours d'humilité, le discours, mais ça, on peut traduire le discours sombre, le discours bas, voilà. Mais même abject, voilà. Manière dont mais il le dit. C'est ça sa parole, voilà. C'est-à-dire qu'il faut le moi se ressaisit, encore se réunifie en quelque sorte dans le sermo humilis, voilà. Donc dans cette langue basse, dans cette langue peut-être abjecte, en tout cas dans cette langue qui va en quelque sorte dire l'échec, dire le moi en disant l'échec du moi. Voilà, c'est à partir de là que c'est une langue, en quelque sorte. On assiste avec les confessions, et c'est pour ça que c'est important de les traduire par les aveux. On assiste à la naissance de cette langue-là qui va être la grande langue du christianisme médiéval. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que c'est la langue qu'on parle encore aujourd'hui, c'est-à-dire cette langue du moi intime, du moi qui se met en scène, du moi qui se raconte dans toutes ces errances, dans tous ces échecs, cette langue aussi qui tente peut-être d'être performative, c'est-à-dire en le disant, bon, ça va pas mieux, mais au moins je me présente de manière unifiée. Oh, bien sûr, il ouvre la voie à ça, même si après tout n'est pas comparable à ce qu'il a fait, mais oui, effectivement, il va ouvrir la voie. Tout le monde n'est pas Saint-Augustin. Il va ouvrir la voie littéraire et à cette parole, oui, à cette parole presque d'autofiction finalement, parce que vraiment ce qu'il invente là, vous pourriez dire autofiction. Ce qu'il invente là, c'est parce que c'est pas tellement ce qui est important, c'est pas tellement la vraisemblance de ce qu'il raconte. D'ailleurs, il s'en fiche un peu, sauf à quelques événements précis comme la mort de sa mère. Mais c'est pas tellement ça. Ce qui l'importe, c'est qu'effectivement, c'est comment lui met en scène son à la fois met en scène sa propre vérité et met en scène son rapport à la vérité. Et après, bah, il forge effectivement une fiction pour essayer de faire entendre ce rapport à la vérité. La force de la mémoire est immense. Je ne sais quelle chose effroyable, mon Dieu. Profonde et infinie multiplicité. Et cette chose, c'est l'esprit, c'est moi-même. Qui suis-je, mon Dieu? Quelle nature suis-je? Une vie changeante, multiple, une immensité violente. Ma mémoire, prairies, antres, cavernes innombrables, pleines d'innombrables façons, d'innombrables choses, présentes en images, comme tous les corps, ou réellement présentes, comme les objets de savoir, ou par je ne sais quelle notion ou notation, comme les sentiments que conserve la mémoire, alors que l'esprit ne les ressent plus, et alors même que dans l'esprit se trouve tout ce qui est dans la mémoire. Je cours à travers, dans tous les sens. Je vole ici ou là, et même je m'enfonce aussi loin que je peux. C'est illimité. La force de la mémoire est si grande. Elle est si grande, la force de la vie chez l'homme mortel vivant. Que faire? Tu es ma vraie vie, mon Dieu. J'irai même au-delà de cette force en moi qu'on appelle la mémoire. J'irai au-delà jusqu'à toi, lumière douce. Que me dis-tu? Par mon esprit, je m'élèverai jusqu'à toi qui demeure au-dessus de moi. J'irai au-delà de cette puissance en moi qu'on appelle la mémoire. Je veux t'atteindre où il est possible de t'atteindre et m'attacher à toi où il est possible de s'attacher à toi. J'irai au-delà de la mémoire, mais pour te trouver où? Vraie bonté, douceur rassurante, pour te trouver où? Si je te trouve hors de ma mémoire, je suis privé de mémoire de toi. Et alors, comment te trouver si je suis sans mémoire de toi? France Culture, Les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. C'était un extrait des Aveux, le livre 10, le livre de Saint-Augustin, traduit par vous, Frédéric Boyer, interprété ici par Bernard Gabé. Alors, on a fait un saut, là, entre le livre 2 qu'on a écouté tout à l'heure avec le vol de poire et puis la débauche, à ce livre 10, où là, en fait, on a déjà parcouru un certain nombre d'épreuves avec Saint-Augustin. Et puis, il y a ce texte sur la mémoire. Alors, la mémoire qui semble à la fois, c'est-à-dire vraiment l'entrepôt, de cette vie de débauche multiple, changeante, une immensité violente, dit-il, et en même temps, le seul endroit où on peut atteindre Dieu. Donc, finalement, c'est par l'échec, on le voit bien à travers la mémoire, c'est bien par l'échec, par cet entrepôt d'échecs, cette machine à échecs, qu'on peut finalement, peut-être, espérer atteindre Dieu. Voilà, c'est un texte magnifique. Hein. Alors là, c'était un extrait, mais c'est un texte magnifique. C'est tout le livre 10 où effectivement, où il commence à s'interroger vraiment sur comment accéder effectivement à Dieu, et il faut en passer par la mémoire, puisque et là, sa description de la mémoire est un premier grand texte, peut-être pour moi un des plus grands textes de philosophie sur la mémoire, qui presque précurseur de toute étude phénoménologique sur le temps. Et effectivement, il décrit la mémoire comme un lieu où le sujet est en quelque sorte sollicité à l'infini et en même temps va, comme vous l'avez dit, d'échec en échec, puisque les choses apparaissent puis disparaissent. Il veut, à un moment donné, il dit je convoque une chose dans ma mémoire, mais en fait c'en est une autre qui arrive. Donc et aussi, bien sûr, tout ce temple, toutes ces prairies, comme il dit, dans lesquelles il court, sont hantées par l'oubli. Donc, la mémoire est vraiment le lieu qui va raconter que la quête, en quelque sorte, de la vérité, la quête de soi, la quête de l'amour, mais tout simplement la quête de la paix avec soi-même aussi, parce que il est question de ça dans ce livre. Eh bien, cette quête, elle est forcément confrontée à l'échec et même il faut peut-être être capable de raconter comme ça cette succession d'échecs dans la quête pour avoir une idée de ce qu'on est en train de vivre et de ce qu'on est en train de faire, voilà. Et quand il arrive à Dieu, il dit ben je vais aller au-delà de la mémoire, mais de façon très belle et très émouvante, il dit oui, mais si je te cherche au-delà de la mémoire, je n'ai plus de souvenir de toi. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant cette idée de souvenir aussi parce que en fait le souvenir sonne toujours comme quelque chose d'assez joli. Hein. On parle on peut avoir des livres de souvenirs, des albums souvenirs. En fait, ce serait vraiment des bons moments. Or la mémoire là a quelque chose de beaucoup plus désorganisé en fait. Il y a quelque chose. C'est pas des moments. En fait, c'est véritablement plus. Ça ressemble presque à la durée. Ce concept qu'on trouve chez Bergson et qui l'oppose au temps, qui n'est pas le temps spatialisé, c'est-à-dire découpable en minutes, en heures. Un temps physique, mais vraiment la durée qui serait une forme de temporalité psychologique et qui n'a rien à voir en fait avec une dimension temporelle, mais véritablement un écoulement et une interpénétration d'état de conscience. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, après le livre 10, il y a le célèbre livre 11 sur le temps. Qu'est-ce que le temps voilà, je le sais si on ne me demande pas et je ne sais pas si on me le demande. Donc effectivement, c'est exactement ça. Et en fait, la mémoire, là, ce qui est beau, c'est qu'il en fait le lieu où effectivement où le sujet a rendez-vous en quelque sorte avec une appréhension possible de sa vie au sens effectivement le plus existentiel possible. Hein. Et c'est cette épreuve de la mémoire qui devient une épreuve de vie, une épreuve existentielle. Mais on le dit rarement, mais l'importance de la mémoire dans l'Antiquité, hein, c'était vraiment la force même de la vie hein, dans l'Antiquité. On a parlé de rhétorique. Alors évidemment, quand on entend rhétorique aujourd'hui, on pense à des figures de style, mais dans l'Antiquité, la rhétorique, c'était la force de la parole. Hein, c'était la puissance de la parole, à la fois politique, mais aussi existentielle. Et cette force de la parole est reposée sur quoi ? Sur la mémoire, et tout l'enseignement rhétorique, c'était de maîtriser cette mémoire, à la fois des mots, de la langue, des images, pour essayer effectivement de donc on est vraiment au cœur de l'enseignement d'Augustin, quoi, et de ce qu'il vivait, c'est-à-dire il essaye de parler, il essaye de raconter, de construire un récit, et à un moment donné, il est obligé de s'interroger sur cette force qu'il a mis en œuvre, et cette force qu'il a mis en œuvre, c'est la mémoire, et cette force-là le dépasse. Alors la mémoire, c'est comme Dieu, finalement, c'est véritablement comme Dieu, c'est une force qui le dépasse, ou est-ce que c'est vraiment la mémoire qui est le réceptacle, qui a été le réceptacle de tous ces échecs passés ? La mémoire, c'est un lieu de convocation. Voilà, il le dit très bien. Donc, c'est vraiment les aveux. Donc, oui, voilà, c'est un lieu de convocation. Donc, effectivement, c'est un lieu où on va. Alors, mais en même temps, il dit très bien qu'il y a des choses qu'il arrive à repérer et à convoquer, puis d'autres qui apparaissent d'elles-mêmes. Donc, et ensuite, la mémoire, c'est le porche. Il le dit très bien. C'est comme un immense porche pour atteindre la connaissance de Dieu. Voilà. Mais il le dit dans ce paradoxe magnifique qu'on a entendu, c'est-à-dire sans mémoire, je ne peux pas accéder à toi. Mais en même temps, la mémoire ne suffit pas pour accéder à toi. Et si j'accède à toi au-delà de la mémoire, j'ai peur d'être dans ce paradoxe atroce et déchirant de ne plus avoir le souvenir de toi. C'est effectivement une aporie. C'est pour ça que voilà, des apories comme ça, il y en a beaucoup dans le texte. Hein. C'est-à-dire que la quête de Dieu est aussi une aporie chez Augustin. C'est pas si catéchique. Quelles sont les autres apories auxquelles se confronte justement saint Augustin avant d'espérer rencontrer Dieu, entre par exemple cette mémoire qui est à la fois dont il aimerait pouvoir se passer et en même temps qui est le seul endroit où il peut rencontrer Dieu? Non, mais la grande aporie qui est magnifique, et on a entendu les textes, c'est celle de la chair, du corps, de la sexualité, de l'humanité au sens la plus même triviale, mais la plus essentielle. C'est-à-dire que tous ces 13 livres ne racontent que ça. C'est-à-dire que de dire finalement, je ne suis que cette pourriture humaine, mais en même temps, sans cette pourriture, je ne m'interrogerai jamais sur toi. Voilà, c'est le sens profond de ce livre. Alors, si on est chrétien, on y voit là une espèce de sommet de l'expression de l'incarnation, mais c'est quand même de dire, il faut traverser toute la chair jusqu'à même, et que la parole ait la puissance de traverser toute la chair, dans ses angoisses, ses déchirements, sa dispersion, ses manquements, ses échecs, sa cruauté, ses faiblesses, je sais pas quoi, sa jouissance et en même temps sa dispersion. Il faut traverser tout ça pour arriver à dire quelque chose de Dieu, quand même. C'est quand même, c'est ça qui est magnifique, sinon ce livre n'aurait pas grand intérêt. Est-ce qu'on peut rajouter une dernière aporie, Frédéric Boyer, qui est celle de la langue et de la vérité? C'est-à-dire, en gros, d'essayer de raconter, à force, vous parliez de rhétorique, il y a une grande importance de la rhétorique. On s'est posé la question du qu'est-ce qu'on disait du moi, était-il sincère? Une sincérité mise en scène, ou travestie, carrément travestie, dramatisée. Et en même temps, cette quête aussi de Dieu, qui serait une forme de quête de la vérité. Une véritable, en fait, les 13 livres sont en fait des livres aussi d'échecs, mais de révélations. En tout cas, comme je disais, il dramatise son récit pour en faire un récit qui conduit à une révélation. Et bon, et il va engager la parole, effectivement, et le discours au sens le plus profond du terme, comme moyen, comme action de cette révélation. Donc, alors au sens religieux, en quelque sorte, c'est la force de toute prédication. Mais c'est encore plus que ça ici, hein, puisqu'on est effectivement, ça n'est que par la parole et par la parole adressée à l'autre. Ça n'est que par la parole et par la parole qui dit tout de moi, ou en tout cas qui raconte qu'elle dit tout de moi, que l'on peut effectivement arriver à tracer un chemin vers la vérité. Je vous propose, Frédéric Boyer, de se quitter non pas avec la voix de Saint-Augustin, mais avec la voix d'un autre écrivain. Je n'ai aucune raison de revenir sur ce que j'ai écrit. C'est-à-dire, je me suis trompé, les choses au fond, c'est pas si terrible que ça. Non. Vraiment, le fait d'écrire, ça c'est connu, tout le monde le sait, le dit, n'est-ce pas? Le fait d'écrire est une sorte quand même de profanation. Parce que les choses auxquelles vous croyez intégralement, à partir du moment où vous les avez dites, elle compte moins pour vous. Et ça, je vais te donner un exemple. J'écris un jour sur le suicide. Et jusqu'au moment où j'écris sur le suicide, c'est un sujet qui me hantait. Je pensais tout le temps. Et à partir du moment où j'écris ce sujet, j'ai remarqué que j'y pensais moins. Et alors, en ce sens, écrire est une profanation. Ça veut dire que vous tuez le sujet. Tous les sujets que j'ai pu aborder dans ma vie, n'est-ce pas, du fait que j'en ai parlé, je les ai à moitié tué. C'était la voix d'Émile Suran dans l'émission Entretien littéraire sur la RTBF le 4 janvier 1973. Est-ce qu'on est dans une toute autre perspective que celle de Saint-Augustin, Frédéric Boyer, à savoir, Suran nous dit, une fois que j'ai écrit sur un sujet, je l'ai tué. Est-ce que c'est la même chose pour Saint-Augustin ou pas du tout? Une fois qu'il a parlé de l'échec, est-ce qu'il est passé à autre chose ou au contraire, il s'y est encore plus enfoncé? Oui, moi je pense que c'est pas tout à fait la même chose, même si c'est très intéressant et qu'on pourrait l'appliquer à Saint-Augustin. Mais en écoutant ça, j'ai envie de dire, chez Saint-Augustin, c'est vivre qui est une profanation. Et l'écriture est une espèce de réparation de cette profanation à travers ce qu'on va appeler la confession, effectivement. Quand je dis vivre est une profanation, il le dit texto dans ses livres, hein. Et finalement, l'existence humaine fait face à la profanation qu'elle est à elle-même, en quelque sorte. C'est ce discours terrible, hein, mais qui est en même temps un discours grandiose, comme ça, qu'il tient sur l'humanité. Merci beaucoup Frédéric Boyer. On se quitte donc sur cette idée, vivre est un échec d'une certaine manière. Je rappelle que de vous, on peut donc lire votre traduction des Inveux de Saint-Augustin, c'est aux éditions POL, vous l'avez aussi préfacé. Vous avez aussi traduit Les Géorgiques de Virgile chez Gallimard, et puis votre dernier roman est paru aux éditions Gallimard dans la collection Blanche, c'est Le Lièvre. Encore merci. Merci. Jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit. Sans